Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 36, de l'envie. Notion de l'envie, sa culpabilité, elle est un vice capital. 1. L'envie est-elle une tristesse? L'envie, dit saint Jean Damascène, est une tristesse que l'on ressent du bien qui arrive au prochain. Mais ne nous méprenons pas sur la nature de cette tristesse. Être fâché du bien d'autrui, en tant que l'on y voit un danger imminent de dommage pour soi, nous affliger, par exemple, de l'élévation d'un ennemi qui peut nous nuire, c'est moins de l'envie que de la crainte. L'envie consiste proprement dans la tristesse que nous fait éprouver le bien des autres, lorsque, le regardant comme notre propre mal, nous songeons qu'il diminue notre gloire ou notre excellence, aussi ce qui l'excite singulièrement. Ce sont les biens où il y a de la gloire, et pour lesquels on se plaît à être estimé et honoré. Note. Nous portons envie aux hommes que nous voulons égaler ou surpasser en gloire, et non à ceux qui sont très éloignés de nous pour la distance, les temps ou la condition. Il n'y a qu'un insensé qui cherche à égaler ou à surpasser ceux qui sont beaucoup au-dessus de lui. Un homme du peuple ne cherche pas à le disputer à un roi, et, réciproquement, un roi ne se mesure pas avec un homme du peuple. D'un autre côté, nous ne portons envie qu'à ceux que nous croyons supérieurs à nous sous quelque rapport. Deux sortes de gens sont très envieux, les ambitieux et les pusillanimes. Les ambitieux, parce que toute gloire leur fait ombrage, les pusillanimes, parce qu'ils se croient surpassés par les moindres avantages d'autrui. Fin de la note. 2. L'envie est-elle un péché? L'envie est un péché, puisque l'apôtre écrivait aux Galates, « Ne devenons point désireux de la vaine gloire, nous provoquant mutuellement et nous portant envie les uns et aux autres. » Galates 5, 26. Encore une fois, l'envie n'est pas toute espèce de chagrin que l'on ressent au sujet du bien du prochain. S'attrister du bien d'autrui, parce que l'on craint un dommage pour soi ou pour d'autres personnes, nous l'avons dit, ce n'est pas l'envie. Un tel chagrin peut exister sans péché. S'attrister du bien d'autrui, non parce qu'un autre possède ce bien, mais parce que l'on voudrait le posséder soi-même, ce n'est pas non plus l'envie. Ce zèle est louable, quand il a pour objet les biens spirituels. S'attrister des biens temporels d'une personne que l'on juge indigne de les posséder, ce n'est pas encore l'envie. Quoique cette tristesse soit condamnée dans ces paroles de l'Écriture sainte, gardez-vous de porter envie au bonheur des méchants. Psaume 36, 1. L'envie consiste proprement à être fâché de ce qu'un autre a plus de bien que nous, or ce sentiment est un péché, puisque l'on s'afflige d'un bien dont on devrait se réjouir, du bien du prochain. 3. L'envie est-elle un péché mortel? La charité se réjouit du bien du prochain, l'envie s'en afflige, donc l'envie est, de sa nature, un péché mortel. Mais il faut se souvenir que, dans tous les péchés appelés mortels de leur genre ou de leur nature, il y a des mouvements imparfaits qui ne sont pas des péchés mortels. Touchant l'envie en particulier, on trouve quelquefois, même chez les hommes parfaits, certains mouvements premiers qui sont des péchés véniels. 4. L'envie est-elle un vice capital? Saint Grégoire a rangé avec raison l'envie parmi les péchés capitaux. Nous disions plus haut que le dégoût est un vice capital, parce qu'il porte à certains péchés, soit pour éviter la tristesse, soit pour la satisfaire, l'envie, qui est une tristesse du bien du prochain, est, pour la même raison, un vice capital. Note. Le murmure, la détraction, la joie dans l'adversité du prochain, l'affliction dans sa prospérité, et enfin la haine, voilà ses enfants. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.